kandimwe. Mama mwendimwe. Papa mwendimwe. Sotout kandimwe. Heureusement, maman là. Heureusement, papa là. Vous mettez son dépend de la lèvre. Vous venez nous faire danser, ma soeur. Heureusement, maman là. Heureusement, papa là. Grâce à Younou qui sauvé ma soeur. Nous bougeons jamais. Maman Mwendi Mwen. Aïe, papa Mwendi Mwen. Sotout kandi mwen. Mama mwen di mwen. Papa mwen di mwen. Sotout kandi mwen. Yamazu, di swinge Yamazu, di pinje Yamazu.